de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah. T'as rien de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah. Ils vivent à 10 dans des apparts, tombés sur des appâts. Trop bêtes, ils le savent pas, que la life ne les a pas. Les moyens, ils les a pas, se montrer c'est son baba. Il vit chez son papa, payé par son papa. Le gamin se l'est sorti, tout ça soutenu par maman. Il veut serrer la belle nana, lui raconte qu'il y a des salades. Lui parle de sa villa qu'il a construite grâce à papa. Paye un verre putain, cesse de faire ton crevard. Il bosse comme un chien pour faire le riche, même pas un mois. Mariage à ranger pour faire plaisir à la famille. Normal qu'il a rien à dire, ce qu'on a rien de constructif. Cesse de faire le gars qui respecte ses traditions. Tu pètes tes putes, t'enfermes ta femme à la maison. Aucune bonne action, car tu penses fellation. Merde. T'as rien de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah. T'as rien de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah. Yo, mi scoopi, ti omba nordic, soy planete. Vete nu ke nima ndryshe se një tjetër. Si o ma loj vjetër, me repo vot ket vipër. Kom ma shumë respekt për ty se se e don t'i vetën. Do nuk pon kuptojnë, desa njez ma shlejton jetën. Parti de rien, no rien, de rien, je ne regrette rien. Ja kush të jetën, na mizan, je veux qu'elle manque de rien. Merci de rien, me va t'faire fou, je veux pas ton soutien. On a rien sans rien, mais moi je veux rien. Je vais faire mon mien avec les miens, ne rien devoir au tien. Et kumple ju vet kipën. Autorise ton capitule, t'as capiche ou quoi? Je te présente Fetch Keepin. T'as rien de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah. T'as rien de plus au final que quatre planches autour de toi. L'argent a remplacé l'amour autour de toi. Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides, tes poches sont vidées, ton pote t'a pillé, yeah.